الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous continuons l'explication et les commentaires du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz. Le cours précédent, on avait commencé par parler de la description de l'appel à la prière, de l'azan. On avait cité le hadith d'Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi, qui a fait le rêve où un homme est venu le voir avec en sa possession une cloche, et Abdullah ibn Zayd lui a demandé s'il vendait cette cloche. L'homme lui a répondu que non. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec? Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu lui a répondu que c'était pour appeler à la prière. Et c'est alors que cet homme a enseigné l'adhan à Abdullah ibn Zayd ibn Abdurrabbih, et lui a enseigné les paroles à dire durant cet appel à la prière. Il lui a enseigné dans ce hadith l'adhan et l'iqama. Puis il en a informé le prophète alayhi salatu wassalam le lendemain matin, et le prophète sallallahu alayhi wassalam a attesté que cette vision était véridique. Et il a ensuite, par la suite, ordonné à Abdullah et à Bilal radiallahu anhu d'appeler à la prière. On avait cité plusieurs choses autour de ce hadith. Quelle version? On avait cité deux versions de l'Iqama. Qui peut me citer la deuxième version de l'Iqama qu'on avait citée? Non. Donc on avait cité l'Iqama qui a été rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd ibn Abdurrabbih. L'Iqama que tout le monde connaît. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala al-salah. Hayya ala al-falah. Qad qamat al-salah. Qad qamat al-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc ça c'est le hadith rapporté par Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi. Et il y a un autre hadith, une autre version que l'on a cité, qui est le hadith de qui est le rapporteur du hadith. Dans l'azan, il y a deux rapporteurs connus. Quand on parle de l'azan, il y a deux rapporteurs connus: Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi et Abu Mahdoura. Hadith Abi Mahdoura. Les deux hadiths de deux rapporteurs qui, avec plusieurs versions, mais les deux rapporteurs, les deux compagnons sont Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih, qui a rapporté un azan du prophète alayhi sallam, et il y a azan Abi Mahdoura. Et dans une version du hadith de Abi Mahdoura, il cite que le prophète sallallahu alayhi sallam lui a enseigné l'iqama bi tarbi' al-takbirat wa tasniyat jami' al-kalimat illa الكلمة الأخيرة وهي لا إله إلا الله. Il lui a enseigné l'Iqama en disant quatre takbir et en doublant chaque phrase, que ce soit la shahada et hayya ala al-salah, hayya ala al-falah, puis de rajouter qad qamat al-salah deux fois également, et de ne dire la ilaha illallah qu'une seule fois. Ça c'est une autre version, la version du hadith d'Abi Mahdoura. Pourquoi est-ce que cette vision a été prise en considération, alors qu'on a cité la règle la semaine dernière que les rêves, ils n'en découlent pas de jugement? Non. Parce que le prophète il a approuvé cette chose. Parce que le prophète sallam a approuvé ce rêve et a dit in hadhihi ru'ya haqqun, et at-taqrir min an-nabi sallam min as-sunnah. ce que le prophète a laissé faire ou ce que le prophète a consenti ou a affirmé fait partie de sa sunna. Alhamdulillah. Ensuite on avait parlé de la, qu'il était préférable de rassembler les deux takbir en un seul souffle. Quelle est la preuve? Le hadith Hadith de Non. C'est le hadith de qui? Omar ibn Khattab. Hadith de Omar ibn Khattab. Le prophète a dit: Idha qala al-mu'adhdhin Allahu akbar, Allahu akbar, qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Et les savants ont déduit qu'il était préférable dans l'adhan et dans l'iqama de dire les deux takbir binafasin wahid. Ensuite, on avait parlé de tarji'. Quelle est la définition de tarji'? Alhamdulillah. نعم. ترجيع سي لما يكبر أربع تكبيرات ثم باطنا مسرا يعني يشهد لا إله إلا الله مرتين وإن محمد رسول الله مرتين ويرجع ترجيع يرجع ويشهد مرتين وأن لا إله إلا الله وأن رسول الله جهرا. نعم. donc le père a dit الترجيع c'est de dire les quatre تكبير puis de dire les deux شهادات à voix basse et ensuite les redire à voix haute deux fois. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit le frère ou c'est faux? Ou est-ce que c'est partiellement vrai? Non, le tarji'a, c'est pas Allah Akbar, ça rentre. Dans le tarji'a, il n'y a pas de takbirat. Je veux dire Allah Akbar. Non. Shahadatayn, taïf. Donc, le tarji'a, c'est uniquement en rapport avec le shahadatayn. Le takbir ne rentre pas dans la définition de tarji'a. Le tarji'a, c'est le fait de dire les deux shahada à voix haute, deux fois, après les avoir dites. Deux fois à voix basse. De dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah à voix basse. Puis de dire à voix haute Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc ça c'est le tarji'. Et le tarji', elle était rapportée dans quel hadith? Un muazzin qui fait l'adhan en faisant at-tarji'. On dit qu'il a fait l'adhan de qui? De Abu Mahdoura. Ahsan. Ça c'est l'adhan qui est connu chez les savants, bi adhan Abu Mahdoura. Tayyib. Ensuite, on avait parlé de at-taswib. Qu'est-ce que at-taswib? Non. Qu'est-ce qu'on a dit sur At-Taswib? Quand est-ce qu'il se dit? Au niveau de l'Adhan. Non, au niveau de l'Adhan, dans l'Adhan. À quel moment du Adhan il se dit? Ba'da Hayya ala al-Falah. Donc As-Salatu Khayru min an-Nawm se dit deux fois après Hayya ala al-Falah. Taïb, là les savants sont d'accord sur ce point. Et dans quel adhan at-taswib doit-il se dire? Est-ce que c'est dans le premier adhan du Fajr ou est-ce que c'est dans le second adhan? Non. Qui peut me répondre? À part Bachir. Je crois que ce soit toujours Bachir. Je n'en veux pas Bachir. Mais... Non. Il y en a. Non. Il dit qu'il faut dans le premier adhan car quand on dit sera très minanam. C'est pour réveiller les... La première preuve de Cheikh Al-Albani. Donc tu dis, Cheikh Al-Albani dit que At-Taswib, le fait de dire As-Salat du Khair ou Mnendaoum, se dit dans le premier Adhan. Quelle est la première preuve de Cheikh? C'est parce que c'est pour réveiller les gens. Non, c'est pas ça sa première preuve. Hadith Abi Mahdoura. Qu'est-ce que le Prophète a dit à Abi Mahdoura? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit lorsque tu es dans Adhan al-Subh, c'est Adhan al-Ula min al-Subh. Faqul, as-salatu khayru min al-Nawm, as-salatu khayru min al-Nawm. Il lui a dit, et lorsque tu es dans le premier rappel du Fajr, dis, après Hayya al-Falah, Hayya al-Falah, as-salatu khayru min al-Nawm, as-salatu khayru min al-Nawm. Donc, Cheikh Al-Albani a utilisé cette phrase du Prophète sallam qui dit, lorsque tu es dans le premier rappel du Fajr, c'est-à-dire, le premier adhan, c'est ce que Cheikh Al-Albani, rahimallah, a compris du hadith. Et une autre phrase que tu as citée, c'est que la salat, elle est préférable, enfin, comme c'est pour réveiller les gens qui dorment. Non, donc tu dois se dire dans le premier, non dans le deuxième. Richard Rabbani dit que la preuve qu'il doit se dire dans le premier adhan, c'est que dans le second adhan, il précède la prière de peu. Donc théoriquement, les gens doivent déjà être réveillés durant ce deuxième adhan. Donc il n'y a plus d'utilité de dire As-salatu khairu minanna. T'as eu l'autre avis ? Donc, Jane ? De le dire dans le second. De le dire dans le second. Ça, c'est l'avis de qui ? Sur la Hein ? Seulement ? Et ? Je me vois le ulama. La plupart des savants disent que At-Tafwid se fait durant le second adhan. Quelle est leur preuve ? Quelle est la preuve ? Non. Parce que le prophète a dit qu'il fait l'oula mina soubh. Ça prouve que soubh est déjà rentré. Que l'heure de salat elle est arrivée. Ça, c'est Charles Atemi. La première preuve, quelle est la première preuve des mashayikh qui disent que le hazan se fait dans que le tathwib se fait dans le second hazan ? Le principe où l'adhan et le kamar c'est l'adhan, c'est maintenant, et ils prennent ceux de là en prenant la première comme l'adhan. La deuxième pour eux c'est les kamar. La première preuve, quel est leur premier argument non. C'est le hadith d'Abi Mahdoura, et qu'est-ce qu'ils disent? Cheikh Ibn Uthaymeen dit, le prophète Sam parle de l'adhan, du fajr. C'est ce que je t'ai dit, L'adhan du fajr. Il se fait à l'heure du Fajr. C'est ce que tu as dit ? Il se fait à l'heure du Fajr. Et à partir du moment où l'appel est fait en dehors de l'heure, ce n'est plus considéré comme Adhan al-Fajr. On ne peut plus l'appeler comme étant un appel à la prière du Fajr. Puisque à la base, cet appel est fait avant l'heure du Fajr. Donc on ne peut pas appeler ce Adhan al-Fajr. Et on avait cité quoi comme définition de l'Adhan ? La définition de l'adhan qu'on a cité, c'est quoi ? C'est pour rappeler les gens à l'heure du salat. À l'heure du salat, bi al-fadhin mahsusa. On avait dit que la définition de l'adhan, c'était d'appeler à la prière en utilisant des termes bien précis. Donc c'est appeler à la prière. Autrement dit, un appel qui n'appelle pas à la prière, on ne peut pas appeler cela un adhan. Et quelle est leur preuve ? Est-ce que le fajr al-kadhib on le prend en considération? Et l'autre preuve, le prophète sallam lui a dit la yamna'annakum adhanu bilalin minas suhur fa inna bilal yu'adhinu bilayl. Le prophète a dit inna bilal yu'adhinu bilayl. Bilal fait l'adhan de nuit. Autrement dit, il le fait avant l'apparition de l'aube, donc avant l'heure. Non. Quel est leur autre argument? Quand le prophète il a dit entre deux adhan, il y a salah. Bayna kulli adhan salah. Le prophète il a fait montrer que l'adhan, il y a khama, on peut l'appeler aussi adhan. Ça fait que les ulama, ils ont dit que le deuxième adhan qui est pour sauf, c'est le premier adhan. Et le khama, c'est le deuxième adhan. Non. Donc le savant dit, et concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit à l'imahdour, a fait l'oula mina sobh, dans le premier appel du sobh, les savants ont compris le premier adhan, c'est-à-dire le premier adhan, c'est-à-dire adhan, l'appel à la prière du fajr. Et le second est considéré comme l'iqama. Le second adhan est l'iqama. Donc il n'y a pas de contradiction dans le fait de dire que at-tathwib se fait dans le second adhan. Dans le second adhan du fajr. Non. Donc ça c'était concernant at-tathwib. Ensuite, on avait dit qu'il était préférable de faire l'appel à la prière au début de son heure. Quelle est la preuve ? C'est la dernière chose qu'on avait citée la semaine dernière. Non. Hadith Jabir ibn Samura qui rapporte que Bilal radiallahu anhu كان يؤذن Iza zalat al-shams la yarkhumu. Que Bilal radiallahu anhu faisait l'azan après que le soleil a dépassé le zénith, la yarkhumu. Qu'est-ce que ça veut dire la yarkhumu? Jamais. Il ne retardait pas. C'est-à-dire qu'il faisait l'adhan à son heure. Donc là, on en déduit, les savants en déduit, qu'il était préférable pour Al-Muazzin de faire l'adhan au début de son heure. Autrement dit, ça veut dire quoi? Si on dit qu'il est préférable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est autorisé de faire l'adhan après l'entrée de l'heure. Qu'il est autorisé de faire l'adhan après l'entrée de l'heure. Il n'est pas obligé, obligatoire de faire l'adhan uniquement au début de son heure et seulement, non. Si par exemple une mosquée décide de faire al-dhuhr à 2 heures, par exemple, et bien ils font l'adhan à 2 heures. Ils ne vont pas venir faire l'adhan à 1 heure et attendre les gens 1 heure après. Ils vont faire l'adhan à 14 heures. Un exemple. Donc on est seulement dit istihbab ou al-adhan fi awwal al-waqt, quand il est préférable, ça veut dire implicitement que cela est autorisé de le faire après l'entrée de l'heure. Taïb. Ensuite, on avait parlé de quand est-ce que l'on se lève pendant quand est-ce que l'on doit se lever pour la prière. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce sujet? Non. C'était l'exemple de Anas ibn Malik qui lui se levait lorsque Mouadine ne faisait pas de Qamati Salah. Non. On a cité la parole de Anas radiallahu anhu qui disait qu'il se levait lorsqu'il entendait le Mouadin dire Qad Qamati Salah. Taïb. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On avait cité le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit La taqoumu hatta. Ne vous levez pas jusqu'à ce que vous m'ayez vu. Et les savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, ont rassemblé ces deux hadiths. On dit et on séparé lorsque l'imam est à l'intérieur de la mosquée ou lorsqu'il est à l'extérieur. Lorsqu'il est à l'intérieur, on se lève au moment où on le voit, au moment où il y a l'iqama, ou au moment où le mu'adhdhin dit Qad qamat as-salah, comme ça a été rapporté par Anas radiallahu anhu. Et lorsque l'imam est à l'extérieur de la mosquée, on doit se lever qu'à partir du moment où on le voit entrer. Même si l'iqama a été faite. Même si l'iqama a été faite. Tayyib. يقول المؤلف وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حديث متفق عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله لا يمنعن أحدكم أذان بليل من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. حديث متفق عليه. Et selon Ibn Omar radiallahu anhuma, qu'Allah soit agréé d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bilal fait l'appel à la prière de nuit, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Umm Maktoum fasse son appel à la prière. Donc là, le cheikh dans le chapitre a nommé, le titre du chapitre, c'est qu'il est préférable de faire al-adhan au début de l'heure et de le faire avant son heure, cela est autorisé uniquement pour la prière du Fajr. Donc là, dans le chapitre, il y a deux parties. La première qui est le fait de faire l'adhan au début de son heure, et la deuxième partie qui est de faire l'adhan avant son heure uniquement pour Al-Fajr. Donc, le fait de faire l'adhan au début de son heure, il a cité le hadith de Jabir ibn Samura, que Bilal radiallahu anhu le faisait juste après le zénith, et ensuite il cite la preuve qui autorise de faire l'adhan avant l'heure uniquement pour la prière du Fajr. Il cite le hadith d'Ibn Omar où le prophète sallam a dit Inna Bilal, que Bilal faisait l'adhan de nuit, c'est-à-dire avant l'apparition de l'aube. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Umm Maktoum fasse son appel à la prière. Et le prophète sallam a expliqué la sagesse de cela, la sagesse de faire cet appel à la prière avant l'heure et uniquement pour le Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où il dit que l'adhan de Bilal ne vous interdise pas votre suhoor, c'est-à-dire le repas que vous consommez lorsque vous avez l'intention de jeûner. Car il appelle, en parlant de qui ? De Bilal. Car il appelle, ou il fait son appel à la prière, de nuit. لِيَرْجِعَقَا إِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَا نَائِمَكُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire ? لِيَرْجِعَقَا إِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَا نَائِمَكُمْ. Pour que celui qui est debout revienne. Ça veut dire quoi ? Hein ? Pour que celui qui, le Prophète, si on traduit littéralement, pour que celui qui est debout retourne, et pour que celui qui dorme soit alerté. Ahsan. Celui qui est debout, c'est-à-dire celui qui fait Qiyam al-Layl. Pour qu'il retourne, c'est-à-dire retourne, il peut dormir. Il peut retourner dormir. Non, il peut retourner dormir après avoir passé une nuit où il a prié. Il peut se reposer, car il sait qu'il a encore du temps avant la prière. Et pour alerter celui qui dort. L'alerter de quoi ? Non ? Ah non, s'il dort. Si on alerte celui qui dort, c'est pas le réveiller. Les savants ont dit, pour celui qui a l'intention de faire un suhoor, celui qui a l'intention de jeûner, qu'il soit alerté pour pouvoir prendre son repas. Ou bien, s'il a dormi sans avoir fait al-witr, il est réveillé pour pouvoir faire al-witr. C'est ainsi que les savants ont expliqué ces deux phrases du prophète alayhi salam, ou d'autres explications qui ont été données pour que celui, par exemple, qui est en état de grande impureté puisse faire son lavage, que celui qui est en état d'impureté puisse faire ses ablutions, etc., etc. Pour alerter celui qui dort et pour que celui qui est debout revienne ou retourne dormir. ما يقال عند سماع الأذان والإقامة. Que doit-on dire après avoir entendu الأذان et الإقامة؟ يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حديث متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. حديث رواه مسلم وأبو داود. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Donc il est préférable pour celui qui entend l'adhan et l'iqama de dire comme dit celui qui appelle à la prière. Selon Abi Saïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous entendez l'appel à la prière, dites comme dit celui qui appelle à la prière. Dites comme dit al-mu'adhin. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Salam. L'auteur a dit yustahabbu liman sami'a al-adhana wa al-iqama. Il est préférable pour celui qui entend l'adhan et l'iqama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Or, qu'est-ce qu'on avait dit? Les règles qu'on avait citées. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ordonne quelque chose, c'est une obligation jusqu'à la preuve du contraire. Qui connaît la preuve du contraire? Attends. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a cité une des preuves, a dit, la preuve que de répéter après le mu'azzin n'est pas obligatoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à ses compagnons, وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons, alors qu'il était en train de leur apprendre, de leur enseigner, il leur a dit que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que le plus grand d'entre vous préside la prière. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là dans un moment d'apprentissage. Et il n'a pas dit, et dit comme dit Al-Mu'adzin. Il leur a dit que l'un d'entre vous fasse l'Azan et que le plus grand d'entre vous fasse, préside la prière. Il n'a pas cité le fait de répéter. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des situations comme celle-ci, dans des situations d'apprentissage, il n'aurait pas omis d'informer ses compagnons, si c'était obligatoire, il leur aurait dit que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que vous répétiez ce que le mu'adhin dit. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela. Parmi aussi les preuves que cela n'est pas obligatoire, il y a le hadith rapporté dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu un mu'adhin faire l'azan. Et lorsque le mu'adhin disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, le prophète alayhi wa sallam disait ala al-fitra. Et lorsque ce mu'adhin avait dit faisait le tashahhud, lorsqu'il disait ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kharaja min an-nar. Kharaja min an-nar. Autrement dit, dans ce hadith rapporté par un muslim, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas répété ce que le mu'adhin disait. Donc, un fait du prophète sallallahu alayhi wasallam rend son ordre sunnah préférable et non obligatoire. La preuve que ce n'est pas obligatoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wasallam ne l'a pas fait. Et il y a une autre preuve, c'est un hadith rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qu'un compagnon radiyallahu anhu l'a vu alors que le mu'adhin était en train de faire l'adhan, parler avec des compagnons et leur demander les questionner sur des prix et sur des informations alors que le mu'adhin est en train de faire l'adhan. Il y a d'autres hadiths rapporté par Abu Daoud que Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié, où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mu'adhin disait ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait wa ana, il disait uniquement wa ana. Donc tout cela prouve que le fait de répéter ce que le mu'adhin dit est préférable et non obligatoire. Et selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le mu'adhin dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, dit que l'un d'entre vous dise Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis, lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, dit Ashhadu an la ilaha illallah. Puis lorsqu'il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Puis lorsqu'il dit Hayya ala salah, dit La hawla wa la quwwata illa billah. Puis lorsqu'il dit Hayya ala al-falah, dit La hawla wa la quwwata illa billah. Puis lorsqu'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et lorsqu'il dit La ilaha illallah, dit La ilaha illallah, avec ton cœur, tu entreras au paradis. Hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud. Avec son cœur. Et j'ai dit quoi? Avec son cœur. Avec son cœur. Non. Dit avec son cœur. Puis lorsque le mu'adhin dit la ilaha illallah, dit la ilaha illallah avec son cœur, entrera au paradis. Donc dans ce hadith, on doit dire, on comprend, le prophète nous a enseigné de dire ce que le mu'adhin dit, sauf pendant Al-Hay'ala. Qu'est-ce que Al-Hay'ala? C'est le fait de dire Hayya ala salah, Hayya ala al falah. Qu'est-ce que le hawqala? Hein? Qui connaît le hawqala? La hawla ou la quwwata illa billah. Qui connaît le basmala? Alhamdala. Et il y a un hadith du prophète alayhi salatu salam qui est rapporté par Muslim, où le prophète alayhi salatu salam a dit: Man qala hina yasma'u nida wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina ghufira lahu dhanbuh. Il y a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par un muslim qui dit: lorsque le muazzin dit at-tashahhud, de dire wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina ghufira lahu dhanbuh, ses péchés seront pardonnés. ثم قال المؤلف: فمن قال مثل ما يقول المؤذن أو قال عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله أو جمع بين الحيعلة والحوقلة فقد أصاب إن شاء الله. Puis l'auteur dit: celui qui dit comme dit le مؤذن ou bien dit pendant الحيعلة, pendant que le مؤذن dit Hayya ala salah, hayya ala falah, ou bien lorsqu'il dit pendant Hayya ala tayn, la hawla wa la quwwata illa billah, ou bien qu'il rassemble entre Hayya ala et Hawqala, donc Hayya ala de dire Hayya ala salah, hayya ala falah, et Hawqala de dire la hawla wa la quwwata illa billah, ou bien de rassembler les deux, faqad asaba insha'Allah, il a atteint, il a fait une chose vraie, une chose juste. Et cette parole de l'auteur, fait le haqiqa, les savants ne sont pas de cet avis. Les savants ne sont pas de cet avis. Les savants ont divergé sur qu'est-ce que l'on doit dire lorsque l'imam dit Hayya ala salah, Hayya ala falah. Certains savants disent on doit dire Hayya ala salah, Hayya ala falah. Pourquoi? Car le prophète sallam a dit Idha sami'atum al-mu'adhdhin faqulu misla ma yaqul. Et d'autres savants ont dit non. On doit dire comme le muazzin dit, sauf pendant Al-Hayya ala tayn, car le hadith de Omar ibn Khattab est à la fois authentique et précis. Il est authentique, précis et clair. D'accord ? Et le Prophète a bien expliqué avec précision ce que l'on devait dire. Et c'est la vie, Inch'Allah, le plus sûr. Et le muallif dit qu'il est aussi autorisé de faire les deux, de dire la hawla wa la quwwata illa billah, de dire hayya ala salah, hayya ala salah, la hawla wa la quwwata illa billah. Or cela, les savants ne sont pas de cet avis. L'avis qui rassemble les deux, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit qu'il est préférable de dire de temps en temps hayya ala salah, hayya ala falah, et de temps en temps de dire la hawla wa la quwwata illa billah, et que c'est ainsi que l'on rassemble tous les hadiths et que l'on met en pratique les deux hadiths à la fois. Mais de dire hayya ala salah, hayya ala salah, et de dire la hawla wa la quwwata illa billah en une seule fois, cela n'a pas été rapporté, cela n'était rapporté dans aucun hadith, donc il ne doit pas être mis en application. Autrement dit, on n'est pas d'accord avec l'avis de l'auteur lorsqu'il dit au jaba'a bayna al-hay'ala wal-hawqala faqad asaba inshallah, et c'est ainsi que le musulman doit être. Il ne doit pas suivre aveuglément les l'être humain, que ce soit un savant ou autre. Un savant, c'est un être humain qui a de la science, car Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits par sa science, mais cela ne rend pas ce savant infaillible. Il ne rend pas ce savant inébranlable. Il n'aura pas ce savant parfait. Or, tout le monde fait, mais tout le monde fait des erreurs, comme l'a dit l'imam Malik: Kullun yukhadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha al-qadr. toute personne, on prend de ses paroles et on en délaisse, sauf celui qui habite dans cette tombe. Et l'imam Malik rahimahullah a fait un signe vers la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, car c'était le mufti de Médine. Et l'imam Malik était l'imam de Médine, et ses cours, il les donnait dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. فإذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي. Donc cela doit être dit après l'adhan et après l'iqama. Pourquoi? Car l'iqama est considérée aussi comme un adhan. نعم يا الصلاة خير من النوم ودي الصلاة خير من النوم صحيح بارك الله فيك نعم انا فالمدن تستعمل بالكير عند الوقت نعم كما سأل بوت فكير نعم من قلبه سأسي بخصنام إلا انفورميت on doit pas le dire نعم il faut le dire sincèrement il faut pas dire لا إله إلا الله من قلبه. Non, il faut dire la ilaha illallah, mais avec son cœur. Le prophète sallam, lorsqu'il dit min qalbihi dakhala al-jannah, c'est pas une phrase à dire, mais c'est une explication que le prophète sallam a apportée. Tu as dit que, bon, Cheikh Al-Bali, il dit que tu peux dire de temps en temps la hawla wa la quwwata illa billah, de temps en temps khayyar al-falah ou khayyar al-salah. Mais les autres là-bas, ils disent non. Ils disent qu'il dit juste la hawla wa la quwwata illa billah. Non, les autres savants disent qu'on applique le hadith de Omar al-Khattab. La Cheikh Ibn Uthaymin, la Cheikh Al-Fawzan, les Cheikh de Mamlaka en général disent que tu appliques le hadith de Omar ibn Khattab car il est précis et clair. Et ils disent que le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu ne contredit pas le hadith où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ils disent qu'il n'y a pas de contradiction. Ils disent que le hadith de Omar ibn Khattab apporte un plus du hadith, du premier hadith, et que le premier hadith est mutlaq et le second est muqayyad. فإذا فرغ المؤذن من الأذان والإقامة أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي. ما يأتي في الحديثين عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حديث صحيح رواه مسلم ou Abu Daoud ou Tirmidhi ou Nasai. Et lorsque le Mouazzin a terminé son appel à la prière ou bien sa iqama, et que celui qui l'a entendu a répété ce qu'il a dit, qu'il dise après qala ba'd al-faragh ma yati, qu'il dise après ce qui est rapporté dans ces deux hadiths. Le premier, qui est le hadith de Abdullah ibn Amr, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque vous entendez le mu'adhin, dites comme il dit, puis priez sur moi. Car celui qui prie sur moi une prière, Allah subhanahu wa ta'ala priera sur lui 10. Puis demandez à Allah al-wasila, demandez pour moi à Allah al-wasila. C'est un degré du paradis qui n'est donné qu'à une seule personne parmi les serviteurs d'Allah, et j'espère être celui-ci. Celui qui demande à Allah, celui qui demande à Allah al-wasila en ma faveur, l'intercession lui sera autorisée. L'intercession en sa faveur lui sera permise. Hadith rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il a sami'tum al-mu'adhdhin, lorsque vous entendez le mu'adhdhin, dites comme il dit, puis priez sur moi en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et il y a beaucoup de hadiths où le prophète, où les compagnons radiallahu anhum ont demandé au prophète sallam Kayfa nusalli alayk, comment est-ce qu'on doit faire la prière sur toi. Et le prophète sallam leur a répondu ainsi: Thumma sallu alayk. Et le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être fait, ne doit pas être fait à voix haute. Il ne doit pas être fait à voix haute, mais à voix basse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, car celui qui prie sur moi une prière, Allah subhanahu wa ta'ala en priera sur lui 10. Allah subhanahu wa ta'ala en priera sur lui 10. Et le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire Allahumma salli ala Muhammad, ou Allah prie sur Muhammad, c'est-à-dire, ou Allah, non, fais ses éloges, fais le mala'il a'la, ou Allah, fais les éloges de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des sept cieux. Donc le fait de dire « Oh Allah, prie sur Muhammad », c'est-à-dire « Oh Allah, fais ses éloges au-dessus des sept cieux ». Et le prophète sallam a dit que celui qui prie sur lui une fois, Allah subhanahu wa ta'ala priera sur cette personne 10 fois. Non. C'est quoi l'éloge? Le fait de dire les bienfaits, non, de parler en bien de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallam dit « Thumma sallallahu alayhi wa sallam » Puis demandez à Allah en ma faveur, al-wasila. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'est-ce que l'wasila. Non, il a expliqué. فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَدِ اللَّهِ. C'est, en expliquant l'wasila, c'est un degré ou c'est un endroit dans le paradis qui n'est donné, qui ne sera donné qu'à une seule personne parmi les serviteurs d'Allah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et j'espère être celui-ci. Ensuite il dit, et celui qui demande à Allah al-wasila en ma faveur, celui qui demande à Allah ce degré du paradis en ma faveur, l'intercession sera permise en sa faveur. C'est-à-dire que tu pourras bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Dans une autre version, halat lahu shafa'ati. Ou an Jabir. Degré du paradis en ma faveur. Al-Wasila, c'est un degré au paradis. En sa faveur. Non, c'est un degré au paradis. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de demander à Allah d'accorder ce degré au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. اسم جابر وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث صحيح رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. اسم جابر, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit, après qu'il a entendu An-Nida, celui qui dit, lorsque, si on traduit littéralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man qala hina yasma'u an-nida, celui qui dit lorsqu'il entend Al-Mu'adhdhin, lorsqu'il entend l'appel à la prière. Mais les savants ont compris lorsqu'il entend l'adhan entièrement. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que on va comprendre de cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit lorsqu'il entend l'adhan, qu'on va comprendre cette phrase comme lorsqu'on entend l'adhan dans sa totalité. Quelle est la preuve? Parce que ma'alam al-nida, c'est des paroles bien précises. Faut chercher loin. Faut chercher le dernier hadith que tu as entendu. نعم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. يقول صلى الله عليه وسلم lorsque vous entendez le mu'adhdhin, dites comme il dit, puis priez sur moi. C'est-à-dire après que le mu'adhdhin ait fini son appel à la prière. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith lorsqu'il dit man sami man qala hina yasma'u nida, lorsqu'il, celui qui dit lorsqu'il entend, c'est-à-dire lorsqu'il entend le adhan dans sa totalité et une fois que le muadhin a terminé son appel. من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. اللهم, qui connaît la définition, la signification de اللهم؟ نعم. هو الله. أنا تسأل الله. معناها؟ يا الله. يا الله. معناها يا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة. Oh Allah, le Seigneur de cet appel complet. الدعوة التامة. Qu'est-ce que الدعوة التامة dans ce hadith? الأذان. نعم. Pourquoi est-ce qu'il est tam? Pourquoi est-ce qu'il est complet? Parce qu'il englobe la shahadatayn. Parce qu'il englobe la shahadatayn. Aywa. La salat. Parce que les savants disent, parce qu'il commence par le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, il y a l'attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule et unique divinité qui mérite d'être adorée. Puis il y a l'attestation que le prophète alayhi salatu salam est l'envoyé d'Allah. Puis il y a un appel vers la prière. Il y a un appel vers le bien et la félicité. Ensuite, il y a encore le takbir. Il y a encore le fait d'immensifier Allah, de dire qu'il est plus grand, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose, et ensuite, l'adhan se termine par al-tawhid, qui est la ilaha illallah. Les savants disent, c'est pour cela que c'est un appel qui est complet, car il englobe énormément de choses. Ô Allah, le Seigneur de cet appel complet. Et là, dans cette phrase, il y a un bienfait de l'adhan qui prouve que l'adhan est une chose importante. Pourquoi est-ce que on déduit de cette phrase que l'adhan est quelque chose d'important? Parce qu'on demande à Allah par cette da'wa. Parce qu'on dit Rabb, Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wa. Quand on dit le Seigneur de telle chose, quand on dit Rabb wa Rabb al-Ka'ba, par le Seigneur de la Ka'ba. Lorsque l'on jure, on dit « Wa Rabbi al-Ka'ba », le Seigneur de la Ka'ba, automatiquement, ça élève les degrés et l'importance de la Ka'ba. Et là, dans ce hadith, le Prophète a dit « Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati tamma », le Seigneur de cet appel complet. Donc là, on retrouve l'importance de l'adhan. والصلاة القائمة et la prière القائمة. Les savants ont donné deux explications. قيل هي الصلاة التي ستقام. Beaucoup de savants ont dit والصلاة القائمة, c'est-à-dire et la prière qui va avoir lieu. Ô Allah, le Seigneur de cet appel complet et de cette prière qui va avoir lieu. Et d'autres savants ont dit الصلاة القائمة أي الباقية القائمة أي الباقية c'est-à-dire qui reste. Et les savants ont dit الصلاة القائمة, certains savants ont dit أي الصلوات الخمس, c'est-à-dire les cinq prières, car elles resteront toujours jusqu'à la fin du monde. Et en aucun cas ces prières, les cinq prières, en aucun cas ne peuvent être modifiées ni abrogées. Elles resteront jusqu'à la fin du monde. Donc il y a deux explications, soit la prière qui va venir, ou bien les cinq prières. Ati Muhammadan al-Wasila. Ati, ça veut dire quoi Ati? Accorde-lui. Ati. Ati, c'est quoi? Ati, ça veut dire viens. Et Ati, ça veut dire donne. D'où l'importance de bien prononcer les phrases en arabe. Ati Muhammadan al-Wasila. Donc al-Wasila, on a dit ce que c'était. والفضيلة الفضيلة أي المرتبة العالية على سائر الخلائق. الفضيلة c'est de, donc là si on traduit donne à Muhammad, آتي محمد الوسيلة, c'est à dire le degré au paradis qui ne peut être destiné qu'à une seule personne, ou al-fadila, c'est-à-dire élève-le au-dessus de toutes les créatures. Donne à Muhammad ce degré au paradis et élève-le au-dessus de toute créature. وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَبْعَثْهُ أَيَّوْمَ الْخِيَامَةِ وَبْعَثْهُ, c'est-à-dire et ressuscite-le en lui donnant مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ, en lui donnant المقام المحمود que tu lui as promis. Donc si on redit la vocation du début, ô Allah, et Seigneur de cet appel complet et de cette prière tenue, donne à Muhammad al-Wasila et élève-le au-dessus de toutes les créatures et ressuscite-le en lui accordant al-Maqam al-Mahmoud que tu lui as promis. Al-Maqam, c'est pas un endroit, hein? Non. Al-Maqam al-Mahmoud, c'est un endroit que tu lui as. Si on traduit Maqam Mahmoud, c'est un endroit ou une position qui te sera remerciée. Qui connaît la preuve? Le prophète alayhi salam a dit dans cette dua Maqam Mahmoud an illadhi wa'adta, et accorde-lui cette position que tu lui as promise. Naam. Ahsant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Allah سبحانه وتعالى dit ومن الليل فتهجد به نافلة, et dans la nuit prie en faisant des prières surérogatoires. عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا, en espérant qu'Allah t'accorde cette position qui te sera remercié. En espérant qu'Allah te fasse ressusciter et te accorde cette position par laquelle tu seras remercié. Maqam al-Mahmouda. Mais dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Asa. Il dit en espérant. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa'atta, que tu as promis. Qui connaît la réponse? Allah alam, dans l'oral arabia, asa, ça peut être aussi pris en considération comme ce que tu viens de dire au début là. Comme une promesse? Pas comme une promesse, comme quoi Allah il va t'en donner. Asa en langue arabe, ça veut dire la'alla. Asa en arabe, ça veut dire en espérant, ça veut dire peut-être. Non. En langue arabe, c'est ça. Oh, mais dans l'autre verset coranique, Allah azza wa jalla, il parle de. Ouf, je me rappelle plus divertissement. Moi, il n'y a pas rien, Charles. Non. Il y a une règle dans l'ilm al-tafsir qui dit Asa min Allahi wajibah. C'est moi, c'est ce que je voulais dire, mais j'arrive pas à l'expliquer. Asa min Allahi wajibah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Asa, c'est une chose qui va avoir lieu obligatoirement. Asa min Allahi wajibah. Comme le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. Le début c'est يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah, توبوا إلى الله توبة نصوحة, un repentir sincère. Toubou ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum, en espérant ou afin que votre Seigneur pardonne vos péchés. Et les savants ont dit asa ici c'est une certitude, c'est-à-dire que celui qui demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah avec certitude lui pardonnera ses péchés. Donc retenez cette règle, asa min Allahi wajiba. Le terme asa que Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran est une promesse de sa part. Maqam Mahmoudan, il s'agit de Wasila ou... Non, Al-Maqam Al-Mahmoud, on avait déjà cité cela dans les cours de Hadith Jibril. Al-Maqam Al-Mahmoud, c'est une position que seul le prophète alayhi sallam aura le jour du jugement. C'est la grande intercession. Al-Shafa'atu Al-Uzma. Al-Maqam Al-Mahmoud, c'est Ash-Shafa'atul Uzma, c'est l'intercession ultime ou la plus grande intercession. Et cette intercession, il n'y a que le prophète alayhi salatu wassalam qui pourra la formuler le jour du jugement, où tout le monde sera réuni, de Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains seront tous réunis dans un seul et même endroit, Ard al-Mahshar, la terre du rassemblement, et c'est là où tout le monde sera foudroyé par l'attente, sera foudroyé par l'attente, car le jour du jugement dure 50 000 ans. Et un des supplices de Yom al-Qiyamah, c'est l'attente, de savoir ou d'attendre ton jugement, d'attendre ton tour, de savoir qu'est-ce que tu vas devenir, et ceci pendant des milliers et des milliers d'années, jusqu'au point où les êtres humains vont saturer et vont aller voir les prophètes alayhi salam, ils vont aller voir Nuh, ils vont aller voir Ibrahim, ils vont aller voir Moussa, ils vont aller voir Isa, afin qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement, car subhanahu wa ta'ala commence le jugement, car ils n'en peuvent plus d'attendre. Et à chaque fois, Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam, Ibrahim vont s'excuser auprès de ces gens et leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui est énervé comme jamais il n'a été énervé, et qu'il ne peut pas faire cette demande, jusqu'à arriver au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est là où ils vont demander au prophète alayhi salatu wassalam d'aller demander à Allah, d'aller intercéder en leur faveur, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement, car ils n'en peuvent plus d'attendre. Et le prophète alayhi salatu wassalam va aller vers Allah azza wa jal et va se prosterner devant lui. Il va se prosterner devant lui un temps qui n'est pas déterminé, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit irfa ra'sak was'al tu'ta washfa' tushfa', lève ta tête, demande, tu seras exaucé, et intercède, j'accorderai ton intercession. Et c'est à ce moment que le jugement commencera. Et ceci est ce que les savants appellent al-maqam al-mahmoud. C'est la grande intercession que seul le prophète alayhi salatu wassalam pourra formuler. C'est quoi la mahmoud? مقام محمود الذي وعدته. Donc ensuite le prophète sallam a dit halat lahu shafa'ati yawm al-qiyama, mon intercession, il pourra bénéficier de mon intercession le jour du jugement. Et les intercessions, elles sont plusieurs. Le jour du jugement, il y a plusieurs intercessions. Il y en a une qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on vient de citer. Il y a d'autres intercessions que pourront faire les autres envoyés, de même que les personnes saintes, et al-shuhada wa-salihin, ainsi que les martyrs aussi, pourront intercéder en faveur des gens. Et parmi les intercessions qui auront lieu le jour du jugement, il y aura l'intercession de ceux qui entreront au paradis, d'y entrer. Il y a l'intercession pour ceux qui sont au paradis également, d'élever leur rang. Il y aura l'intercession pour ceux qui ont fait des péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sorte de l'enfer. Il y a aussi l'intercession pour ceux qui ont fait des péchés de ne pas entrer en enfer. Et toutes ces intercessions, hormis la première, les compagnons, les salihin, al-shuhada wa salihin, les personnes saintes et pieuses, ainsi que les envoyés, les prophètes, pourront demander ces intercessions. Allah a'lam. Sûrement, Allah a'lam, je ne sais pas. Les anges, je ne sais pas s'ils pourront intercéder aussi. Allah a'lam. طيب, une faïda que Cheikh Ibn Uthaymeen a citée, le prophète sallam a dit إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنِ, lorsque vous entendez al-mu'adhdhin. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءِ لَا يُشْرَعُ لَهُ هَذَا الدُّعَاءِ, celui qui n'a pas entendu l'appel à la prière, il ne lui est pas légiféré de dire cette invocation. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة, حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود. عفوا جيب لي فائدة, يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ مستجاب. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. Donc ici une remarque de l'auteur, il est préférable aux musulmans d'accroître ses invocations entre l'adhan et l'iqama, car l'invocation à ce moment est exaucée. La preuve est le hadith de Anas, qu'Allah a agréé, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation n'est pas rejetée entre l'adhan et l'iqama. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. ما يستحب للمؤذن. Qu'est-ce qu'il est préférable au mu'adhin de faire? Qu'est-ce qu'il est préférable à l'appeleur, celui qui appelle à la prière, de faire? يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية. Il est préférable et recommandé pour celui qui appelle à la prière d'accomplir ce qui suit. Premièrement, أولا أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا. فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. La première chose qui est demandée à celui qui fait l'appel à la prière, c'est de ne vouloir dans son appel à la prière que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas prendre une récompense en retour. Selon Uthman ibn Abi al-As qui dit j'ai dit à l'envoyé d'Allah désigne-moi comme l'imam de mon peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu es leur imam, waqtadi bi adhafihim, et suis le plus faible d'entre eux. Si on traduit littéralement, c'est suis le plus faible d'entre eux. Mais ce que les savants ont compris, waqtadi bi adhafihim, c'est-à-dire fais ta prière en prenant en considération le plus faible des personnes qui seront derrière toi. C'est-à-dire, si tu vois une personne qui est très faible, n'allonge pas trop la lecture et n'allonge pas trop les tasbihat. Comme les savants ont expliqué. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. Et choisis un mu'adhin qui ne prend pas dans son azan de récompense. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i wa Ibn Majah. Et là, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il est autorisé à celui qui fait l'azan de prendre une récompense? Si on regarde le hadith, non. Si on regarde le hadith, non. Pourtant, lui, il est dit yustahabbu il mu'adhin. C'est pas lui qui la demande. Hein? Si c'est pas lui qui la demande. Si c'est pas lui qui la demande. Mais j'ai pas entendu Cheikh Lebain dire ça. Il dit ça. L'avis de Cheikh Lebain à ce sujet. Le Cheikh Al-Albani et d'autres, comme subhanallah, Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Uthaymin sur cet avis ont exactement le même avis. Sur cette mas'ala, ils ont exactement le même avis. Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, innama al-a'malu bin niyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa. Cheikh Al-Albani dit que chaque acte valent par leur intention, que les actes ne valent que par leur intention. Et la réponse à ce sujet, c'est une réponse aussi à tous ceux qui prennent, tous ceux qui prennent une récompense après avoir accompli un acte religieux. Non, ici Ujra. Ujra, c'est une récompense. Quand on parle de Ujra, le Prophète a dit wa la yattakhid ala azanihi ajra, une récompense. D'accord? Le Prophète ici a interdit de prendre une récompense. Et les savants ont dit que lorsqu'une personne fait un acte religieux, l'acte religieux, pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit sincère et il faut qu'il soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont deux conditions qui sont inséparables. Si l'une manque, l'acte est obligatoirement rejeté. Donc tout acte religieux, toute adoration, il doit obligatoirement y avoir ces deux conditions. C'est pour cela que Cheikh Al-Albani rahimahullah a commencé sa réponse en disant innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, que les actes ne valent que par leur intention. Donc le mu'adhdhin, celui qui fait l'appel à la prière, lorsqu'il fait l'appel à la prière, il doit le faire sincèrement, il doit le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas le faire pour avoir une récompense. Car s'il le fait pour avoir une récompense, son acte n'est plus sincère, donc il est rejeté. فمن أخذ هذا الراتب على أنه أجرة فهو آثم وما أخذه فهو سحت. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, celui qui prend ce salaire ou cette récompense, ou celui qui prend cet argent en le considérant comme une récompense, il est alors fautif. Et l'argent, et cet argent, c'est un argent interdit. Et le prophète Hassan m'a dit, كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. Toute viande qui a grandi dans l'argent haram, l'enfer lui est recommandé, ou il a de grandes chances d'entrer en enfer. Et une viande qui a grandi dans l'argent de sûr, c'est-à-dire une personne qui a grandi en utilisant de l'argent haram. D'accord ? Et ici, Cheikh Al-Albani est clair. Il a bien dit que si le mu'adhdhin prend cet argent comme une récompense pour son azan, cet argent est un haram. وَمَنْ أَخَذَهُ مِنْ بَابِ الرَّاتِبِ وَالتَّعْوِيدِ عَمَّا يَفُوتُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ ما دام انه في قلبه مخلص لله عز وجل. Et s'il prend ce salaire, et s'il prend cet argent en le considérant comme un salaire et comme une compensation de ce qu'il délaisse, il est alors autorisé, il n'y a pas de mal à prendre cet argent. Si le mu'adhdhin prend cet argent car dans le fait qu'il fasse cet azam, il délaisse un travail, il fait des sacrifices, d'accord, et qu'il prend cet argent pour compenser ce manque qu'il a, pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et Cheikh Al-Albani ensuite, dans une autre source, a restreint cela à condition que le mu'adhdhin en ait le besoin. Si le mu'adhdhin en a le besoin et que le fait qu'il délaisse un travail et que le fait qu'il fasse l'azam, qu'il ait fait des sacrifices et que ces sacrifices le rendent nécessiteux, dans ce cas, il lui est autorisé de prendre cet argent, mais en le prenant comme salaire et non comme récompense. Et en aucun cas, le fait de prendre cet argent n'a d'influence sur son intention. Son intention reste toujours pure et sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est Wahad, il fait la donne et après il se lève et il donne la récompense, il dit tiens, ça c'est un cadeau parce que tu as fait la donne aujourd'hui, il ne doit pas prendre. Il peut le prendre avec cette intention. Il prend cet argent avec l'intention que c'est un salaire et que c'est pour compenser le manque qu'il a. Non, mais par exemple, moi je me lève, je fais la dame. Et Wahad aujourd'hui, il vient, il me dit tiens, cadeau. Il dit cadeau, mais toi tu lui dis non, c'est pas un cadeau. Voilà. Tu lui dis non, c'est pas un cadeau. Al-Mu'adhdhin ne doit pas prendre de cadeau. Mais tu peux prendre l'argent avec cette intention, si toi tu as en besoin. Ouais. Si tu as en besoin et que tu prends cet argent avec l'intention que c'est un salaire pour toi et que c'est une aide pour compenser le manque. Donc tout est une question de niya. L'argent peut être le même, mais dans un cas il est haram et dans un cas il est autorisé. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah ensuite a cité un hadith que je ne vous avais pas cité la dernière fois, un hadith qui est peu connu des gens, où le Cheikh Al-Albani rahimahullah a conseillé les mu'adhdhin de, s'ils le peuvent, de ne pas prendre d'argent. Le mieux, c'est de ne pas prendre d'argent pour celui qui peut s'en passer. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité les bienfaits de l'adhan, a cité la grande récompense qu'ont les mu'adhdhin. Et parmi les hadiths que Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité, un hadith rapporté par Ibn Majah que Cheikh Labani a authentifié lui-même, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة. Et Cheikh Labani rahimahullah a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui fait l'appel à la prière pendant 12 années, وجبت له الجنة, le paradis lui est obligatoire. وكتب له, السلام عليكم, وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة. Et pour ses appels à la prière, il lui sera compté pour chaque jour 60 حسنة. ولكل إقامة 30 حسنة. Et pour chaque إقامة, il lui sera accordé 30 حسنة. طيب, donc ça c'était la première chose. ثانيا, أن يكون طاهرا من الحدثين لما مر فِيمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ. Deuxièmement, il est préférable à ce mu'adhin d'être en état de pureté. لِمَا مَرَّ فِيمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ. Comme cela a été expliqué dans le chapitre précédent, dans lequel il est préférable de citer le nom d'Allah en étant en état de pureté. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il détestait de citer le nom d'Allah alors qu'il était en état, sauf en état de pureté. Donc le savant en déduit qu'il est préférable de citer le nom d'Allah en état de pureté. Or, dans l'Azan, il y a le nom d'Allah et c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, an yakuna qa'iman mustaqbil al-qibla. قال ابن المنذر الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في السماع وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان ذلك أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. La troisième chose qui est préférable au mu'adhin, c'est d'être debout et de se diriger vers la qibla, en direction de la qibla. Ibn al-Mundhir a dit: l'unanimité des savants est sur le fait que l'on doit se tenir debout, ou l'unanimité est que de se tenir debout fait partie de la sunna, et que de se tenir debout permet de mieux entendre et de mieux diffuser les paroles, et également qu'il fait partie de la sunna, l'unanimité, et qui fait partie de la sunna de se diriger vers la qibla lorsque l'on fait l'adhan. Ceci car ceux qui appelaient à la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils faisaient l'adhan, ils se dirigeaient vers la qibla. Il y a une autre chose que l'auteur a oublié de dire. Parmi les choses préférables pour le mu'adhin, c'est de faire l'adhan dans un endroit élevé. Il est préférable de faire l'adhan dans un endroit élevé. La preuve est une version du hadith de Abdullah ibn Zayd ibn Abdirabbih, lorsque l'homme dans son rêve lui a enseigné l'adhan. Dans une version, Abdullah ibn Zayd a dit que cet homme s'était mis au-dessus d'un reste de mur, qu'il s'était positionné au-dessus d'un reste de mur, autrement dit qu'il s'est élevé. Il y a d'autres hadiths comme le hadith de Omar ibn Khattab rapporté dans Sahihain que Bilal et Ibn Maktoum, lorsqu'ils faisaient l'adhan, le temps qui séparait les deux était le temps que l'un descende et que l'autre monte. Il y a un autre hadith, le hadith de Zayd ibn Thabit qui dit: كان بيتي أطول بيتي حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا. Il y a aussi un hadith rapporté par Abu Daoud où Zayd ibn Thabit dit que sa maison était la maison la plus haute autour de la mosquée. Que sa maison était de celle qui était proche de la mosquée, celle qui était la plus haute. Et elle dit que Bilal radiallahu anhu montait au-dessus de sa maison, montait sur le toit de sa maison pour y faire al-azan. Et ceci depuis le début jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit sa mosquée. Et lorsque le prophète alayhi wa sallam a construit sa mosquée, فَكَانَ بِلَالْ يُؤَذِّنُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ. Donc c'est une preuve qu'il est également préférable pour celui qui fait l'adhan de se mettre sur un endroit élevé. رَابِعًا أَنْ يَنْتَفِتَ بِرَأْسِهِ وَعُنُقِهِ يَمِينًا عِنْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وشمالا عند قوله حي على الفلاح. عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا هاهنا هاهنا وهاهنا بالأذان. حديث متفق عليه. Et il est préférable également de tourner sa tête et son cou à droite lorsque le muezzin dit. Il est préférable au muezzin de tourner sa tête et son cou à droite lorsqu'il dit Hayya ala salah et à gauche lorsqu'il dit Hayya ala falah. La preuve est le hadith de Abi Juhayfa qui dit qu'il a vu Bilal radiallahu anhu faire l'adhan, faire l'appel à la prière, et il dit et je suivais sa bouche de ce côté et de ce côté alors qu'il faisait l'adhan. Il y a une autre version. De ce côté, c'est-à-dire à droite et à gauche. Et la preuve, c'est une version de Waqi'a. وَالدَّلِيلْ رِوَيَةْ وَكِيْعَ عَنْ سُفْيَانْ عِنْدَ مُسْلِمْ. Une version rapportée par Muslim. Où Abi Juhayfa a dit فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يَمِينًا وَشِمَالًا. Dans une autre version rapportée par Muslim, il a été clairement notifié que c'était à droite et à gauche. Et concernant cette façon de tourner à droite et à gauche pendant Hayya ala salah, Hayya ala falah, certains savants ont dit que le muezzin doit tourner son cou et sa bouche à droite lorsqu'il dit Hayya ala salah. Donc de rester à droite et de dire Hayya ala salah, Hayya ala salah. Et ensuite de tourner à gauche et de dire Hayya ala falah, Hayya ala falah. الإمام النووي رحمه الله دي وهي أصحها c'est la plus authentique وهو قول الجمهور. Cette façon est la plus authentique et c'est l'avis de la plupart des savants. Et les savants disent que le muezzin doit tourner sa tête et sa bouche et ne doit pas tourner son torse, ne doit pas tourner sa poitrine ni son corps, comme l'a dit le Cheikh l'Albani رحمه الله. Lorsqu'il dit أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة ولا ذكر له في شيء من الأحاديث الواردة في تحويل العنق تمام المنة. Et quant au fait, donc Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, quant au fait de tourner sa poitrine, cela n'a aucune origine dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela n'a été stipulé dans aucun hadith rapporté ou qui nous rapporte le fait de tourner le cou. Donc les hadiths stipulent de tourner le cou et la bouche et non la poitrine. خامساً أن يدخل أصبعيه في أذنيه لقوله أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا واصبعاه في أذنيه. حديث صحيح رواه الترمذي. Et la cinquième chose qu'il est préférable de faire pour celui qui fait l'appel à la prière, c'est d'entrer ses deux doigts dans ses oreilles. La preuve est le hadith d'Abi Juhayfa qui dit j'ai vu Bilal faire la dame et tourner sa bouche de ce côté et de ce côté, c'est-à-dire à droite et à gauche, et ses deux doigts étaient dans ses oreilles. Hadith authentique apporté par At-Tirmidhi. Sa'd ibn an yarfa'a sawtahu bin nida. Non. Quels sont les deux doigts? Wallahu a'lam. Zahir, ce qu'on comprend, c'est que c'est les deux index. Wallahu a'lam. Ce qu'on comprend, c'est les deux index. Mais je vais faire une recherche, dans chaque doigt, dans ses deux doigts. Il mettait ses deux doigts dans ses deux oreilles. سادساً أن يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة حديث صحيح. Et la sixième chose qu'il est préférable et recommandé au muezzin de faire, c'est d'élever sa voix pendant l'appel, car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, car tout ce qui entendra la voix ou l'appel de ce muezzin, que ce soit un djinn, un être humain ou toute chose, elle témoignera en sa faveur le jour du jugement. D'où le fait qu'il est préférable d'élever sa voix le plus possible pendant l'appel à la prière, car plus tu élèves ta voix et plus sera nombreux les gens, les djinns et les choses qui entendront ton appel et par la suite seront un témoignage en ta faveur يوم القيامة. On اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.